Merci Anna Soral. Si vous permettez, nous allons passer maintenant au deuxième volet, au deuxième chapitre de cette conférence qui porte sur la géopolitique et l'actualité internationale, y compris bien sûr la crise systémique globale. Alors, l'avènement de la Chine, bien sûr, et de certaines puissances émergentes, l'avènement aussi de la donne islamiste et du monde musulman dans la géopolitique mondiale, l'affaissement de l'Occident et sa décadence, si bien sûr on peut utiliser ce terme-là, s'il convient, disons, tous ces éléments vous laissent quelle impression, c'est-à-dire par rapport à ce que je disais juste auparavant, c'est-à-dire cette relation incestueuse média-politique-finance, quelle est la part de vérité? Quelle est la part de mensonge? Quelle est la part de manipulation? Et où en est le monde selon vous? C'est-à-dire, d'abord par rapport justement aux souverainetés, parce que je pense que là c'est une question qui est très, très d'actualité. Et puis aussi, comment voyez-vous la synthèse possible entre une nécessaire mondialisation qui s'inscrit dans la logique de l'évolution du genre humain, si celle-ci n'est pas accompagnée en même temps par la libre circulation des personnes et qu'on met en avant la libre circulation des biens quand on enferme des centaines de millions de gens derrière des frontières artificielles pour des raisons largement connues. Donc, finalement, la question est, dans quel monde sommes-nous? Est-ce que c'est un monde où le désordre est délibérément créé et la crainte diffusée à outrance? Et est-ce que vous pensez que nous allons pouvoir. Est-ce que le monde va pouvoir avoir ce sursaut d'instinct de survie, ou bien est-ce que nous risquons effectivement d'aller droit dans le mur avec toute cette surenchère, disons, de poids de mesure qui est actuellement, qui se déroule sous nos yeux de façon absolument sans équivoque? Ah ben déjà, oui, la question est très longue. Je voudrais recadrer les choses très simplement. On a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, un monde basé sur les rapports Est-Ouest, avec deux visions du monde, qui étaient d'ailleurs deux visions issues de l'idéologie du progrès, qui était le monde libéral et puis le monde communiste. Hein. Voilà. Il s'est passé quelque chose que tout le monde a bien enregistré, qui est la chute du mur de Berlin, l'écroulement du communisme, avec derrière une prétention, on va dire, américaine. Américaine, protestante, anglo-saxonne, qui a été ce qu'on a appelé la fin de l'histoire. C'est-à-dire que depuis l'écroulement du RSS et la disparition momentanée de la Russie comme empire, on a eu la toute-puissance d'un monde, qui est le monde anglo-saxon, américain, de son idéologie à la fois, enfin, disons, marchande, et une espèce de toute-puissance du libéralisme. D'une grande brutalité d'ailleurs, puisqu'il n'y avait plus d'offres alternatives proposées. Hein. Et ça a été le bain dans lequel nous avons tous été depuis ces 20 dernières années. Voilà. Parallèlement, c'est monté, parce que cet empire dominateur a besoin d'ennemis pour faire croire qu'il n'est pas un empire de violence et de domination, mais un empire, je dirais, de régulation et de paix. Hein. Donc cet empire a eu besoin de se créer un nouveau méchant, puisque le rouge n'existait plus. Et ce nouveau méchant, vous l'avez bien identifié, c'est le musulman. Hein. Le musulman, d'ailleurs, un peu mythifié, on ne sait pas trop. Ceux qui en parlent le plus sont ceux qui connaissent le moins la complexité du problème, mais ce n'est pas grave. Et donc, on a eu deux données qui sont les données de la violence actuelle. C'est un monde libéral qui s'identifie au monde de la liberté et du bien, et qui est en fait l'extension de la logique libérale à tout, c'est-à-dire la marchandisation de tout, y compris du corps de nos enfants, hein, de l'air, enfin, de. Hein, voilà, donc c'est l'extension de la logique libérale qui est pratiquement une religion et qui se cache derrière les droits de l'homme. Hein. Et puis le mal contre lequel on est censé lutter, qui n'est plus le communisme, mais qui serait l'obscurantisme musulman. Voilà. Et nous, notamment à Égalité et Réconciliation, nous opposons à cette vision simplifiée du monde où il y aurait le bien qui serait le libéralisme occidental et le mal qui serait la réaction islamiste, et prétendons que le monde est beaucoup plus complexe, mais qu'il est évident que ceux qui détiennent le pouvoir, qui ont une volonté d'hégémonie, de domination et qui pratiquent la violence, sont ce monde qu'on va appeler capitaliste, anglo-saxon, thalassocratique et sioniste, et que nous en sommes tous les victimes. Et quand je dis tous, je dis aussi bien les Européens, chrétiens, catholiques, que je n'associe pas du tout aux protestants néoconservateurs anglo-saxons, et aussi bien les musulmans, et aussi bien d'ailleurs certains anciens progressistes qui n'ont pas accepté de rallier le monde néoconservateur, et là je fais allusion à tous ces trotskistes qui sont des néoconservateurs aujourd'hui. Il faut d'ailleurs savoir que les pionniers de l'idéologie néoconservatrice sont des trotskistes américains des années 60, et qu'en France, nous avons vu tardivement le même phénomène étrange, c'est que tous les gauchistes trotskistes ont rallié plus ou moins frontalement ou en douce l'idéologie néoconservatrice. C'est la manière dont Sarkozy a coopté des Glucksmann, des Bernard-Henri Lévy, des Kouchner, etc. Et donc nous menons un combat difficile qui est à la fois de nous opposer à la domination, on va dire, occidentalo-thalassocratique, vétéro-testamentaire, de refuser la diabolisation du monde musulman, sans pour autant être des musulmans. Et nous sommes ce que nous appelons des universalistes français qui essayons de nous maintenir dans une tradition qui est aujourd'hui totalement niée et bafouée en France par ceux qui sont censés en être les héritiers, à savoir les soi-disant néo-gaullistes du sarkozysme, qui sont en fait des néo-conservateurs et qui sont même aujourd'hui, depuis l'élection d'Obama, à la pointe du combat néo-conservateur au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Bernard Kouchner se situe sur le plan de l'agressivité géopolitique à la droite et même à l'extrême droite des États-Unis. Voilà. Donc je ne sais pas si je vous ai fait ce panorama, c'est assez complexe, mais voilà, nous sommes dans un monde dominé par le libéralisme qui a désigné comme méchant l'islam, et nous essayons dans ce contexte de mensonges et de vulgarité et de violence de rester des intellectuels français, des citoyens français honnêtes et clairvoyants. Voilà.